LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ? Une série documentaire d'Ovidie avec la participation de Tancred Ramonet, réalisée par Julie Béressi. Épisode 7, Amour libre ou coup de canif. Polyamour, amour libre, adultère et double vie. Le couple ne nous suffit pas. Et pourquoi nous suffirait-il ? Puisque nous ne cessons d'être confrontés à son caractère désuet. La fidélité ne serait qu'un concept puritain, destiné au maintien de l'ordre et au contrôle des corps. Nous ne voulons plus circonscrire nos sentiments au couple nucléaire, dans une société où s'ouvrent devant nous tous les champs des possibles. Et pourquoi pas ? Si l'amour au singulier n'est qu'un instrument de notre oppression, et plus particulièrement de l'oppression des femmes et d'une volonté de les enfermer dans le carcan du mariage, pourquoi ne pas faire tout valdinguer ? Vous faites encore l'amour ? Non, on ne fait plus l'amour. Enfin, très rarement, quoi. Mais ouais. C'est normal que ce soit difficile, la sexualité, avec ce que vous vous imposez. Attends, excuse-moi, est-ce qu'on s'impose ? Bah, l'exclusivité. Oui, bah, on a un couple, quoi. C'est... Oui. Un couple. Mais, franchement, Victor, tu serais pas plus épanoui si tu pouvais faire l'amour avec d'autres femmes ? T'en penses quoi, toi, du polyamour ? Parce que moi, je remarque quand même qu'autour de moi, les couples qui sont polyamoureux, il y en a toujours un des deux qui est plus polyamoureux que l'autre. T'as toujours un truc un peu dissymétrique. Alors sur le papier, moi je trouve ça fantastique, le polyamour, tu vois. On peut dire, je sais pas, que voilà, si on a plusieurs enfants, on les aime tous pareil, que notre cœur il est démultipliable à l'infini, mais je sais pas, moi il y a un truc qui va pas. Moi on me proposerait d'être en couple polyamoureux, mais je partirais loin, vraiment loin, je prendrais mes jambes à mon cou, quoi. T'en penses quoi, toi ? Ben non, j'en sais rien, mais tu dis ça parce que toi, t'as déjà pu aimer d'amour Tancred Ramonet. Plusieurs personnes en même temps ? Non, j'ai jamais aimé plusieurs personnes en même temps. Tu n'aimes qu'une personne ? Bien sûr. Ben moi aussi, moi j'ai jamais aimé qu'une personne. J'ai, disons, qu'un objet de mon amour pendant un moment. Donc moi j'ai du mal à presque à y croire, en fait, à ce polyamour. Je serais curieux de voir comment ça fonctionne. Parce que, effectivement, on peut imaginer ce qu'avaient Sartre et Simone de Beauvoir, l'amour nécessaire, un peu central, puis les amours secondaires. Mais c'est une manière d'être dans un couple libre. En réalité, c'est pas vraiment du polyamour. Donc, qu'est-ce que c'est, ce polyamour ? Comment on peut aimer plusieurs personnes en même temps ? Je sais pas. J'ai aucune réponse là-dessus. J'arrive même pas à en imaginer un début d'expérience. Moi, par exemple, je refuse d'être dans une relation monogame aujourd'hui. Ça me dessert. Sabrina Erinjin, co-autrice de « Nos amours radicales, 8 visions singulières pour porter un regard nouveau sur l'amour ». De toute façon, enfin voilà, les hommes sont pas prêts à révolutionner l'amour pour le moment. J'ai beau leur montrer la route, bon, ils préfèrent partir de l'autre côté. Donc, je vais pas être monogame. Je vais forcément me faire avoir. On va me demander un investissement, on va demander une charge mentale, on va me demander de faire la femme de ménage si je finis par habiter chez l'autre. Non, non, c'est pas possible, moi je perds à tous les coups. Il m'est arrivé des choses tellement ubuesques en couple, où on me demandait comment faire une machine à laver. J'étais genre, mais c'est-à-dire, tu sais pas laver ton linge. Mais comment ça, tu sais pas laver ton linge ? Je me souviens avoir filmé un ex, je l'ai filmé tellement j'étais choquée, parce qu'il n'arrivait pas à mettre une housse de couette sur une couette. Je ne comprenais pas, parce que cette personne avait 28 ans à l'époque. Je me disais, mais... Ah, d'accord. Donc ouais, c'est... Tu perds à tous les coups. Alors, ça ne veut pas dire... Oui, ça ne veut pas dire que tous les hommes ne savent pas faire le ménage, bien évidemment, que ce n'est pas ça. Mais il y a une facilité à se reposer sur les femmes dans le couple qui fait qu'on est perdante. Ma vision de la révolution de l'amour, déjà, elle ne s'inscrit pas dans la monogamie. Et est-ce que le polyamour, par exemple, c'est une solution ? Ah bah, je pense qu'aujourd'hui, un peu quand même, ouais. Mais parce que c'est quelque chose à construire. Je crois que si ça faisait partie de nos schémas de vie et de notre culture, je ne pense pas qu'on verrait les choses de la même manière. Mais en même temps, pour que ça fasse partie de quelque chose d'envisageable, bah, il faut qu'on commence quelque part. Et qu'on offre aux autres une image de possible. Et ouais, on se casse la gueule hein, dans le polyamour, hein, faut pas croire, hein, c'est certain. Mais est-ce qu'on se casse plus la gueule que dans le couple à deux ? Est-ce que ça fait plus mal, moins mal ? Est-ce que la jalousie et ce besoin de posséder l'autre, c'est très sain ? Est-ce que finalement, on peut pas s'émanciper de ça aussi ? Et est-ce que c'est pas ça aimer, en fait ? d'accepter que l'autre soit aimé par d'autres personnes. Supposons qu'ils se marient, disons à 20 ans ou quelques années plus tard, ce qui est généralement le cas puisque l'appétit sexuel est plus actif à cet âge. Les deux partenaires se trouveront trop et trop fréquemment en contact. Rapidement, ils ne savoureront plus la présence de l'autre. L'irritation commencera. Les petits détails mesquins de la vie commune amèneront le mépris. Ce qui était autrefois une joie exceptionnelle deviendra un automatisme et détruira toute finesse, toute délicatesse. Souvent, la cohabitation se transformera en une torture physique pour l'un des partenaires, le plus souvent la femme, tandis qu'elle procurera encore un peu de plaisir à l'autre, et ce pour une raison simple. Les corps, tout comme les âmes, évoluent rarement, voire jamais de façon parallèle. Voltairine de Clare, « Le mariage est une mauvaise action », 1907. Il y a tout de même une chose importante que je voudrais savoir. Il y a tout de même une chose importante que je voudrais savoir. Oh, fous-moi la paix. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Rien. T'as été parfaite. Et moi, j'ai été un dégueulasse, dégueulasse comme tous les hommes. J'ai rien à te reprocher, mais je peux plus te voir devant moi. Je t'avais dit que je t'aimerais toujours. Ben, je me suis gouré, j'ai vieilli, et puis je t'aime plus. Je t'aime plus. Glissant sous les ponts d'Amsterdam, sur un bateau mouche hollandais, nous les éclopés de la baie, nous les mamzelles, nous les madames. Moi, il y a un truc qui m'a toujours frappé dans L'une chante, l'autre pas, d'Agnès Varda, c'est la scène de... La chanson des nanas avortées. Tu sais, quand elles sont toutes sur un bateau à Amsterdam et qu'elles y vont pour avorter, moi, ça me fait penser à tous ces témoignages de femmes qui racontent que dans les années 70, où on prenait l'amour libre et tout ça, et où l'avortement n'était pas encore légal en France, où elles partaient toutes prendre le bus, finalement, pour Amsterdam, ben, ce bus, elles le prenaient seules. C'est-à-dire, les mecs, ils n'étaient pas là, tu vois, pour leur tenir la main à Amsterdam, ou alors ils étaient vraiment très rares. Et il arrive parfois, tu vois, je pense à certains textes que j'ai pu lire et à certains témoignages, il arrive qu'il y ait quand même pas mal de femmes qui ont vécu ces années-là et qui en reviennent quelque part en disant « bah oui, l'amour libre, il était libre, mais il était libre surtout pour les mecs qui en ont profité ». Est-ce qu'avant ça, il y a eu des expérimentations d'amour libre? Enfin, je sais pas. C'est-à-dire, l'amour libre pour les hommes, il est sans conséquence. Pour les femmes, il pouvait avoir une conséquence à ce moment-là, et une conséquence. Qui est la grossesse, ouais, déjà, et bien voilà. Sûr. Mais aussi, je me demande vraiment jusqu'à quel point l'amour libre, c'est pas un truc qui a été créé pour satisfaire les mecs hétéros, en fin de compte. Ben, en fait, l'amour libre, pensé comme tel, c'est une forme de libertinage, et effectivement, c'était quand même globalement pensé par les mecs, pour les mecs. Et c'est pour ça que, si tu veux, tu devrais regarder un petit peu l'histoire des anarchistes à la fin du 19e siècle, les anarchistes individualistes, justement, ils ont essayé de penser l'amour libre, mais dans toutes ses conséquences. C'est-à-dire que déjà à l'époque, ils parlent de contraception, ils parlent d'avortement, et ils essaient de voir ce qu'est un amour libre qui serait pas un amour, justement, de consommation, d'empilement des corps, mais d'essayer d'imaginer une forme d'amour révolutionnaire, qui pourrait être révolutionnaire, et comment à cette échelle-là, en repensant l'amour, eh ben, en fait, ils font aussi la révolution, puisque les anarchistes, ils veulent faire à tous les endroits où ils interviennent des révolutions. Des amis sont venus prendre un verre, une heure, et nous avons fait l'amour à plusieurs. D'un point de vue anarchiste, l'amour libre, c'est une union libre, c'est-à-dire consentie, entre au minimum deux individus. Cécilia Varela, professeure d'histoire-géographie, autrice de « Au-delà des normes, l'amour libre et la famille anti-autoritaire ». C'est ça le principe de base de l'amour libre. Cet amour libre, il peut se faire sur la base de vrais sentiments amoureux, tout comme il peut se faire sur la base d'un rapport sexuel. Parce que les anarchistes distinguent fortement le sentiment amoureux du désir sexuel. Et ça, c'est un petit peu une des nouveautés hein, chez eux par rapport aux autres courants socialistes de l'époque. Et ça se diffuse particulièrement entre les années 1900 et les années 20. Qu'est-ce que c'est le mariage à l'époque, à ce moment-là? Qu'est-ce que ça représente et quelle est la place des femmes là-dedans? Alors, justement, l'amour libre est vu comme l'opposé du mariage. Et le mariage est ce qui encadre tout type, en fait, de relations à cette époque-là, au 19e siècle, puisque le 19e siècle est une société qui est très conservatrice. Et surtout, à l'égard des femmes, c'est une période très, très dure, hein, une période même de retour en arrière, hein, sur certains points. Et il y a aussi beaucoup cette diffusion de l'image de la loi blanche pour la femme mariée qui ne connaît rien aux rapports sentimentaux et sexuels et qui du coup se retrouve dans ce contrat-là sans avoir du tout consenti. Donc il y a vraiment des écrits anarchistes qui développent le mariage comme une prostitution, qui développent beaucoup le traumatisme de la première fois. Aussi, évidemment, qui compare ça à un viol. Donc c'est pour ça que pour eux, l'amour libre est une nouvelle forme de rapport, hein, qui n'est pas encadrée par l'État, qui n'est pas encadrée juridiquement et qui permet en fait de s'échapper du carcan social qu'est le mariage. Est-ce que la famille, c'est une sorte de micro-État à abolir finalement ? Oui. Oui, oui, évidemment, puisque l'anarchisme, en soi, on peut le définir comme une opposition à toute forme d'autorité. Et parmi en fait cette autorité, il y a évidemment la famille, au même titre que le capital, au même titre que la religion. Et c'est pour ça qu'ils s'opposent au mariage. Et l'amour libre vient s'opposer à la famille autoritaire. Et dans les expérimentations de milieux libres, de nombreuses naissances ont eu lieu, bien évidemment. Et tous les membres du milieu libre participent à l'éducation de l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire à l'époque pour une femme de refuser ou contrôler sa maternité dans un contexte nataliste ? C'est compliqué parce que c'est en soi non légal. Les anarchistes, et notamment que ce soit les hommes ou les femmes, ont été des pionniers dans cette promotion du contrôle des naissances et commencent à émerger à partir de la fin du 19e siècle des idées néo-malthusiennes, donc inspirées de Malthus. Et dans ce cadre-là, des moyens de contraception sont diffusés au sein de la société, donc notamment déjà en fait les préservatifs. Et il y a aussi une volonté de légaliser l'avortement aussi chez les anarchistes. Les anarchistes individualistes, au final, ils étaient assez peu nombreux. Qu'est-ce qui fait que l'histoire se souvient d'eux ? Si les anarchistes individualistes, aujourd'hui, on en parle beaucoup, notamment ces dernières décennies, c'est parce que leurs écrits sont relativement modernes. On fait encore référence aujourd'hui à l'amour libre, lorsqu'on parle par exemple de polyamour. Comme les anarchistes individualistes ont fait de la sphère privée, un lieu politique, eh bien forcément, ce sont des problématiques qui nous intéressent aujourd'hui. Donc je pense que c'est pour ça que on parle beaucoup des anarchistes individualistes aujourd'hui. Qu'est-ce qui reste des théories anarchistes sur l'amour libre aujourd'hui, en 2022 ? Est-ce que ce qu'on appelle le polyamour, ça a pris le relais finalement ou pas ? Ou c'est encore autre chose ? Je pense qu'il y a de nombreuses proximités idéologiques entre l'amour libre et le polyamour. Déjà parce que le polyamour s'oppose aussi à tout le carcan social, juridique, autour du couple. Et on va dire que les anarchistes, eux, se focalisaient sur le mariage. L'amour libre, c'est la même chose, mais là, face au couple. C'est une autre façon de concevoir les rapports humains, c'est une façon de sortir du couple. Est-ce qu'il y a un risque de récupération de finalement cet amour libre 2022, dans le sens où il pourrait être un nouveau lieu d'inégalité entre les genres, comme un peu dans les années 70 où beaucoup d'hommes ont profité de l'amour libre et où beaucoup de femmes aussi d'ailleurs, mais d'autres ont été les grandes perdantes de la situation ? Sûrement, tout comme il y a eu au 19e siècle et surtout début 20e. Si on prend Madeleine Vernet, qui était une des plus ardentes défenseuses de la théorie de l'amour libre, elle est revenue un petit peu sur ses propos en dénonçant le comportement des camarades anarchistes qui finalement, sous couvert d'émancipation des femmes, sous couvert d'émancipation sexuelle, bien en profitaient pour assouvir leurs propres désirs. Et on peut le retrouver dans certains témoignages, même dans certaines affaires en fait médiatiques qui émergent aujourd'hui. Où on voit que finalement, ce sont majoritairement le corps des femmes qui circulent dans le cadre de l'amour libre et moins celui des hommes. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On réfléchit sur soi-même, sur son rapport aux autres, sur son rapport à son corps aussi. sur son rapport à sa sexualité, son rapport à la sexualité de l'autre. La femme des uns, sous le corps des autres, a des soupirs de volupté. On s'en fout quand c'est pas la nôtre, mais celle des autres. Oui, bon, sur le papier, moi, l'amour libre, j'adhère complètement. Je dirais même que j'applaudis des deux mains. En théorie, tout ce qui peut nous hisser vers l'émancipation, ça me tente plutôt. Enfin, en théorie. Parce que concernant la mise en pratique, ben, je passe mon tour, très peu pour moi. On regarde en bas, et qu'est-ce qu'on y voit ? La femme des uns, sous le corps des autres. Et on commence à s'inquiéter. Pourquoi est-ce que l'infidélité, ça fait toujours aussi mal ? C'était la nôtre. Alors, l'infidélité réactive violemment le sentiment d'insécurité. Damien Mascret, médecin sexologue. C'est vrai qu'il y a, depuis la fin des années 50, les fameuses théories de l'attachement qui ont été posées par Bowlby, qui font qu'on a besoin de se sentir en sécurité avec son partenaire pour pouvoir aller de l'avant, pouvoir faire des choses. Et c'est ce qu'avait observé Bowlby avec les parents et les enfants. Et la théorie a été effectivement que les personnes qui ont grandi dans un climat insécure, eux-mêmes peuvent chercher dans leur couple une sécurité, ont besoin sans arrêt de se rassurer par rapport à l'état de leur relation avec l'autre, qui fait que c'est particulièrement douloureux lorsqu'ils sont trahis. Mais on sait aussi que le pire dans l'infidélité, ça n'est pas tant d'ailleurs d'avoir été trompé, c'est de savoir qu'on ne pourra plus faire confiance à l'autre, parce que la personne qui a failli, si on peut dire, doit regagner pas à pas, millimètre par millimètre, une confiance qui est complètement disparue. Donc les deux vont avoir un cheminement différent, mais avec un objectif commun qui est de se redonner une chance de se faire confiance. Assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir. Mais je le sens, je le sais, je le suis, il se fout de moi. Mais viens, arrête, tu sais, ton mec t'aime. Ton mec m'a dit, tu sais, Mélanie, vie c'est une reine et je pourrais crever pour elle. Faut pas que tu paniques, je te jure. Ton mec assure, ton mec assume, vie, ouais. Ton mec est pur, il te trompe pas, j'en suis non, sûr. Mais tu sais pas, toi, ça fait deux mois que je sens son odeur. Quoi? Qu'elle laisse des messages tous les quarts d'heure. Mais non. J'ai infiltré son répondeur, mon mec se tape une autre femme, ouais. Est-ce que de ce que vous avez pu en observer, hommes et femmes, dans les relations hétéros, entament des relations extra-conjugales pour des raisons différentes ? Les femmes et les hommes recherchent un ailleurs ou recherchent de l'amour ou une relation qui les transporte, qui les sort, entre guillemets, de leur vie ordinaire, quotidienne, de couple et autres. Marie-Carmen Garcia, professeure de sociologie à l'université Claude Bernard Lyon 1. C'est au fil des mois, en fait, que les différences se font jour. Et donc, quelles sont-elles, ces différences ? Alors, la différence majeure, en fait, c'est que les femmes, au bout d'un moment, souhaitent engager une relation stable, en fait, avec l'homme caché. Et donc, si elles sont célibataires, eh bien que lui quitte sa conjointe. Et si elles sont elles-mêmes en couple, que les deux quittent conjoint et conjointe. Et c'est là, en fait, où les différences se font. C'est-à-dire que les hommes, eux, ne quittent pas l'épouse ou la conjointe. Et c'est là où les tensions commencent, en général, et peuvent perdurer tout au long de la relation. Jusqu'à éventuellement, alors, soit il y a une séparation au bout de plusieurs années en général, et ça vient souvent de la femme qui finalement finit par comprendre le couple stable n'aura pas lieu. Soit il y a une adaptation en fait des femmes à la double vie, c'est-à-dire qu'ils vont accepter que l'homme qu'elles aiment soit avec une autre femme. Et souvent en mettant des conditions. Souvent, une des conditions assez explicites du côté des femmes, c'est que l'homme n'ait pas de relation sexuelle avec sa conjointe. D'ailleurs, ce qui diffère, d'une manière générale, à la différence que les hommes ont des relations sexuelles avec leur conjointe. Alors, pas souvent aussi satisfaisantes qu'ils le souhaiteraient, mais ça continue. Donc là, il y a un double jeu qui se met en place, et puis aussi sur la fidélité sentimentale et amoureuse, c'est-à-dire que les femmes souhaitent que l'homme n'aime pas, au sens amoureux, sa conjointe. Et quand ça se poursuit avec ces règles-là, en fait, hein, mais qui sont pas forcément suivies par les hommes, hein, cela dit, puisqu'on est dans l'ordre du privé, de toute façon. Donc, une fois qu'ils sont chez eux, de toute façon, ils mènent leur vie conjugale, entre guillemets, comme ils peuvent ou comme ils l'entendent. De quoi tu joues ? T'es complètement inconsciente ! Putain ! Écoute, je sais pas ce qui t'a pris, mais maintenant, s'il te plaît, on va essayer de limiter les dégâts. Je te demande une chose, je te la demande à genoux. Ne viens pas avec nous demain. Tu comprends ce que je te dis ? Je suis tellement contente de te voir. Chut, s'il te plaît, ne viens pas. Tu peux pas me faire ça. Tu peux pas. D'accord ? À moi, ça m'est égal. Je te parle pas de moi, là. Moi, tu peux tout me faire, mais Alice... Putain, Alice, elle y est pour rien. Elle mérite pas. C'est de la folie. Est-ce qu'il existe un malentendu entre donc ces maîtresses qui sont en attente d'un statut plus valorisant, donc de devenir les officielles, et les hommes mariés, dans la mesure où il y aurait encore un double standard, c'est-à-dire d'un côté bon les mères et les putains, et où les hommes attendraient donc de leur maîtresse une disponibilité sexuelle, là où elles, en retour, attendraient de l'amour ou un quasi-couple, donc passer du temps, partir en week-end, quelque chose qui se rapprocherait quand même de la relation amoureuse et du couple. Tout à fait. Socialement, ça se comprend, hein, qu'elle cherche un statut, comme vous l'avez dit, plus valorisant, parce que le statut, entre guillemets, si on peut parler de statut de maîtresse ou d'amante, est dévalorisé socialement, et il est d'autant plus dévalorisé qu'aujourd'hui, le divorce est normalisé. Donc, on n'est plus dans les années 60 jusqu'aux années 70, où, bon, il était compliqué de se séparer, etc. Donc elle, il y a un malentendu parce qu'elles comprennent pas, dans la plupart des cas, pourquoi il ne franchit pas ce cap-là de la séparation avec la conjointe pour créer un couple avec elle. Et de l'autre côté, le malentendu, il est sur le fait que les hommes, eux, ne comprennent pas, et c'est très sérieux, c'est pas de la mauvaise foi de leur part, ne comprennent pas que des femmes souhaitent faire couple, en fait, puisque eux ont souvent une image beaucoup moins enchantée du couple hein, que les femmes. On va rester sur ce qui peut sembler des stéréotypes, mais qui est quand même très présent, c'est que les femmes recherchent un amour de type romantique, donc monogame, avec de l'amour, de la sexualité, etc. Et les hommes, ça leur pose pas de... Enfin, voilà, dans ces hommes-là, en tout cas, de problèmes majeurs, ou même pas tellement de problèmes moraux que d'avoir deux femmes dans leur vie, voire parfois plus, hein, parce qu'il peut y avoir aussi des maîtresses ponctuelles hein, au cours de la relation. Donc, oui, on a un double standard et des attentes radicalement différentes. Et là, il y a quelque chose que j'ai vu assez tardivement dans mes travaux, c'est que souvent les femmes reprochaient la lâcheté aux hommes qui ne quittent pas, parce qu'ils disaient il quitte pas sa femme parce qu'il est lâche, etc. Alors que en réalité, de l'autre côté, du côté masculin, c'est plutôt une preuve de courage que de rester dans une famille, en tant que chef de famille, parce qu'il y a des enfants aussi hein, dans le couple conjugal, de rester malgré les difficultés. Ça, c'est vécu de manière positive par les hommes et c'est perçu de manière négative par les femmes. Moi, je me souviens d'un interviewé qui me disait « Moi, je ne suis pas infidèle puisque je remplis mon rôle de père et de mari. » C'est-à-dire qu'il pourvoyait aux besoins de la famille, qu'il était là en cas de problème, etc. Donc, pour eux, enfin, je généralise bien sûr, mais pour eux, le fait d'avoir une relation sentimentale et sexuelle par ailleurs n'entache en rien, ou très peu, le fait qu'ils tiennent le rôle en fait de chef de famille. Sans compter qu'ils tiennent plutôt des discours respectueux vis-à-vis, alors pas auprès de leur maîtresse j'imagine, mais vis-à-vis de leur femme, de leur épouse. Tout à fait. De façon très très récurrente, l'épouse est perçue comme une personne extrêmement vertueuse, qui n'aime pas le sexe. Et là où ils maintiennent beaucoup le cap, c'est sur le fait que c'est une bonne mère. Et justement, dans les représentations de la famille traditionnelle, eh bien le rôle de mère est tenu par l'épouse et ça, il le valorise énormément. Prends-moi, me prends. Prends-moi, me prends pas. Ça me fait penser à ces mecs mariés qui me disaient très naturellement et sans respect pour moi d'ailleurs que avec la mère de ses enfants, ils pouvaient pas faire tout ce qu'ils faisaient avec moi. Donc finalement, il leur faut toujours une salope, la putain, hein, avec qui ils se lâchent un peu. Et puis, ils n'ont aucun problème à être cruels et à te balancer ça après avoir fait leur petite affaire. Ils avouent absolument sans remords et avec grande cruauté que finalement, faire ce qu'ils font avec leur maîtresse, ben, ce serait dégrader leur femme. Ils n'ont aucun problème à te dégrader toi et à te considérer comme objet sexuel, mais ils n'envisagent pas de le faire avec leur épouse, mère des enfants. Ils ont trop de respect pour elle. Prends-moi, me prends pas, prends-moi, me prends pas. Je suis comme la bête, je n'aime que toi. Prends-moi, me prends pas. Est-ce qu'on peut dire que globalement, les hommes mariés donc ne quittent pas leur femme pour leur maîtresse, là où au contraire, les femmes mariées vont avoir tendance soit à dégager leur amant très vite, soit à faire littéralement imploser leur couple au profit du nouvel amour? Tout à fait. Quand je fais les interviews avec ces hommes-là, à un moment ou un autre, ils m'expliquent, mais si je m'installais avec ma maîtresse, eh bien, au bout d'un moment, on retomberait dans les mêmes travers que ceux que j'ai connus déjà dans mon couple installé. Donc, ça ne vaut pas la peine. Alors que les femmes, elles sont sur ces femmes-là, elles sont sur des représentations romantiques, c'est-à-dire que elles associent le couple à l'amour et à la sexualité. Tout doit aller ensemble. Donc, effectivement, moi, j'ai eu pas mal de cas de figure où des femmes mariées finissent par quitter leur mari parce que c'est intenable pour elles de tromper. De mentir, de tromper, etc. Et elles veulent être dans une situation claire et être complètement aussi dévouées. Alors à ce moment-là, ça devient encore plus compliqué, hein, la relation extra-conjugale, parce qu'il y en a une qui devient libre et qui a tout quitté, en tout cas qui a quitté son foyer et son mari pour un amant, et l'amant, lui, continue avec son épouse. Vous parliez tout à l'heure des sacrifices que les maîtresses étaient prêtes à faire. Qu'est-ce qui fait que, à l'inverse, quand une femme mariée prend un amant qui, lui, est célibataire, ben, il attend moins longtemps, finalement, avant de partir. Qu'est-ce qui fait que les hommes sont moins patients quand ils se retrouvent dans cette situation? Alors, j'ai eu peu de cas comme ça. Ils sont assez difficiles à trouver sur la durée, je dois dire. Et pourtant, j'ai bien cherché. Et bon, j'en ai quand même trouvé quelques-uns. Alors, ils sont moins patients. En fait, ils ont d'autres relations. Ils donnent pas le monopole, en fait, à la femme mariée. C'est là où ils sont un peu plus, alors si je peux m'exprimer ainsi, un peu plus malins que les femmes mariées qui donnent tout à l'homme qu'elles aiment. Moi, j'ai eu un cas de figure de une dizaine d'années. Mais parallèlement à la femme mariée, ils fréquentaient d'autres femmes, ponctuellement, notamment pendant les vacances. Parce que l'histoire des vacances, c'est quand même un moment clé dans les relations extra-conjugales, puisque c'est le moment où les amants ne se voient pas plus et peuvent difficilement entrer en contact. Les femmes maîtresses d'hommes mariés vivent ça très très mal. En revanche, les hommes qui seraient dans la même situation, eux, vont fréquenter d'autres femmes durant ces périodes-là, dans les périodes où ils ont plus la femme mariée qui est disponible. Vous dites, les jardins secrets ne sont pas de charmants endroits où l'on s'aime en cachette. Est-ce que, est-ce que les femmes continuent à se faire avoir, finalement? Moi, je vous réponds radicalement oui. Voilà. Que ferais-je de vous, mon homme objet? Que ferais-je de tout ce beau palais? De grands muscles si doux et si parfaits. Que ferais-je de vous, mon homme objet? C'était Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Amour libre et coup de canif. Avec Cécilia Varela, Damien Mascré, Marie-Carmen Garcia et Sabrina Eringi. Garderai-je couché à mes pieds pour vous frôler du bout de mon soulier? Couperai-je vos joues de mon stylet pour connaître le goût de vos attraits? Vous placerai-je tout le jour d'après dans la serre pour